s'amuse bien, il ne tombe jamais dans les pièges. Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre, Bilos. Il est libre, Benji. Y'en a même qui disent qu'ils les ont vus voler. Non, non, mais j'essaye de... sur un serveur Ninbot, Ninjam, j'arrive pas à récupérer les trucs. Attends, j'essaye de faire ça. Je l'aimais bien, c'est la première chanson que j'avais pris. Comme il n'a pas d'argent pour faire le grand voyageur, il va américain, RIP Hervé. N'était pas bonne. Ça suffit, Hervé Christiani, Hervé Christiani, Christophe. Sérieux, est-ce que tu es sérieux, Bilos? Andalousie. J'y vais quand j'en ai besoin. C'est plein de cailloux. Je sais pas les accords, c'est là. Quand j'ai besoin, c'est un endroit plein de cailloux. Ça, j'aimerais bien la chanter, celle-là. Mais je connais pas. Ah ben là, voilà. Maintenant, c'est bien, tu tapes sur YouTube, tu l'as direct. Tac. Copier. Et après. Cabane, fond du jardin. J'y vais quand j'en ai besoin. C'est un endroit plein de cailloux. affichée dans le dossier. De mon nouvel album, c'est vrai que j'aime les cailloux, les pierres, les rochers, les galets, le sable, les roches, les cailloux. Je suis un chanteur minéral. J'ai dû avoir des calculs dans les reins pour aimer autant les cailloux. Et j'allais dans un endroit que vous connaissez bien, c'est la cabane au fond du jardin. Moi j'y vais quand j'ai besoin. C'est un charmant petit trou, tout entouré de cailloux. Il y a des mouches qui bourdonnent, des abeilles qui frelonnent. Il n'y a pas de tout à l'égout, alors on me fait sur les cailloux. Mais c'est un charmant petit coin, ma cabane au fond du jardin. Elle trône tout au bout d'un chemin plein de cailloux. Il y a un arbre juste à côté, c'est pratique pour s'essuyer. Si c'était un acacia, avec les feuilles on pourrait pas. Elles sont bien trop petites et les épines ça irrite. J'en regarde qu'à essayer. Même les dames l'aiment bien, cabane au fond du jardin. Accroché au clou rouillé, il y a du journal déchiré. Et quand on est constipé, ouais, c'est facile les accords, attends. La cabane au fond du jardin. Déjà, faut se mettre un peu. Ça va un peu vite là. Je l'ai massacré. Je sais pas comment il fait les accords. Je les fais pas tous là. Casse-croûte. C'est l'heure de casse-croûte. Je vais boire l'apéro avec toi, Milos. La cabane au fond du jardin. Moi j'y vais quand j'ai besoin. Barrel Joss, Joss, Dieu Joss. Yeah, we're on. rock'n'roll attitude. Bloquer l'ordinateur, je sais pas pourquoi. J'ai encore fait une connerie. Impossible. Ah, j'ai bien fait. Si, je connais la chanson Woman in Chair. Woman in Chair. Woman in Chair. Ça me dit quelque chose, ça. Woman in Chair, c'est qui jouait ça, là? Ah oui, c'est pour rien. Comment ça se joue, ça? Faudrait que je l'écoute. Attends, faudrait que je l'écoute le morceau. Tu l'as, non? Tu l'as, toi? J'ai la tablature, je l'ai, mais. Non, tu l'as pas? Woman in chair. Woman in chair. Je vais l'écouter. Woman in chair. Maintenant, quand tu vas sur Google, t'as automatiquement la vidéo. C'est vieux ce morceau, mais c'était beau ça. Ça me rappelle des souvenirs. C'est tout seul. Oui. Oh putain, il me lance direct quand j'appuie sur le truc. Attends, voilà. Tac. Ouais, c'est bon, je l'ai. Je le mets à la place de la cabane au fond du jardin. C'est quand même plus compliqué. Oula. Attends. 1 minute, please. Il y avait une grosse intro là-dessus. Ouais. Ça, c'était bien chialé comme morceau. Je sais pas, alors je vais mettre 80. C'est vachement aigu, hein. Moi je peux pas, c'est aigu. Alors ça fait. Là, il faut que je vois que ça commence. Attends, j'essaye. J'essaye sur le 1. En Fa. Ouais, oh merde, je suis nul en anglais. Grandpa, oh, say it's a fight. We're coming. Fa et Ré mineur. Je rate le début. Hein. Attends, je vais copier les paroles parce que c'est trop grand. Je vais copier les paroles. Que le woman. Thank you. écoute le morceau. C'est balèze, hein. Là, je suis à fond là. Là, il faut te couper les couilles là. Je peux pas. Ouais, ah bon? Merde, je croyais que c'était lui. Alors, sinon, tu fais. Red wine. Ouais, c'est joli. Bah ouais, c'est un bon morceau. Les drippers, ça. Thank you. jour.